Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. En 1945, la France est à reconstruire. La pénurie de logements d'avant la guerre est accrue par les destructions dues au second conflit mondial et aussi à l'exode rural. Il faut trouver rapidement des solutions et les nouveaux responsables, porteurs des idéaux de la résistance, se tournent vers les grands architectes, Auguste Perret, qui reconstruit le Havre, classé depuis au patrimoine mondial par l'UNESCO, et Le Corbusier. Je n'aime pas les académies. Ah non, mais moi je suis tout à fait de votre avis, seulement est-ce que certains de ceux qui sont partis de vous n'ont pas fait de l'architecture moderne un certain académisme? Bien sûr, c'est l'académisme de la boîte à savon, n'est-ce pas? Depuis la guerre, où j'ai eu certaines commandes, j'ai eu l'occasion d'employer enfin le béton. Par la pauvreté des budgets que j'avais pas en dessous. Ce qui reste, c'est qu'il y a de l'architecture dedans, et tout le problème est là-dedans. Qu'est-ce que vous avez voulu me dire? Le Corbusier a derrière lui une carrière de théoricien de l'urbanisme célèbre et contesté, mais des réalisations peu nombreuses, pour la plupart des villas commandées par de riches clients. C'est l'occasion de concrétiser sa réflexion. Il aborde plusieurs projets de reconstruction de villes ou de grands quartiers. À Marseille, il étudie un ensemble de 3 immeubles de tailles différentes. Mais le terrain proposé change 3 fois. Normalement, aucun projet d'architecture ne résiste à de tels atermoiements. Cependant, fort du soutien de la mairie et du ministère de la Reconstruction, il peut persévérer. Mais ce sera en fin de compte un unique bâtiment qui devra valider ses théories et montrer que l'habitat populaire est un véritable service public. À la base de sa réflexion, la découverte, à 20 ans, d'une chartreuse en Italie. Il raconte. Chaque cellule a vue sur la plaine et dégage sur un jardinet en contrebas, complètement clos. J'ai pensé ne pouvoir jamais rencontrer une telle interprétation joyeuse de l'habitation. Le dos de chaque cellule ouvre par une porte et un guichet sur le cloître. Par là, fonctionnent les services communs, la prière, les visites, le manger, les enterrements. Cette cité moderne est du 15e siècle. La vision radieuse m'en est demeuré pour toujours. Ainsi est née l'idée de la cité radieuse. Avec son équipe, Le Corbusier souhaite une structure en acier. Mais le financement ne permet que du béton. Il saura cependant tirer un effet certain en le laissant brut. Les crédits manquent, cela conduit à l'allongement des délais du chantier. Il faut aussi évaluer au plus juste les espaces. Ainsi, la cuisine, conçue par Charlotte Perriand et André Wojcinski, est certes très rationnelle, mais toute petite. On a prévu qu'une restauration collective livrera des repas dans des placards ouvrant sur la rue intérieure. Car il y a plusieurs rues qui desservent les appartements, eux-mêmes conçus sur 2 niveaux comme une vraie maison et complétés par une vaste loggia comme un jardinet. La leçon de la chartreuse est restée bien vivante. Les commerces et les services sont intégrés au bâtiment, posés sur de puissants pilotis. Une école maternelle et un gymnase sont placés sur le toit. Tout ceci libère de la place au sol pour les espaces verts et l'immeuble est finalement inauguré le 14 octobre 1952. Je remercie l'État français d'avoir provoqué cette expérience. L'œuvre est là, l'unité d'habitation de grandeur conforme, érigée sans règlement, contre les règlements désastreux, faite pour des hommes, faite à l'échelle humaine. Parallèlement, dès 1948, une coopérative d'habitation à bon marché de la région nantaise fait appel à Le Corbusier. Malgré les contraintes de financement, l'entente entre architectes et maîtres d'ouvrage permettra de livrer assez rapidement cette deuxième unité d'habitation, vécue par ses occupants comme un bonheur d'habiter un village en plein ciel. Finalement, ces réalisations ne furent qu'une phase assez courte dans la longue carrière du Corbusier et un relatif échec. Il n'essaima dans toute la France que quelques grands immeubles, sans pouvoir mettre en forme, comme il le voulait, des villes ou de grands quartiers. Il n'y parviendra qu'en Inde, à Chandigarh. Si l'on veut bien se souvenir de ce que sont les conditions d'habitat populaire à l'époque, après-guerre, il ne semble pas avoir mal réussi. En tout cas, plutôt mieux que ceux qui, à coups de Zup, de Zad, de Zak, et parfois en se recommandant de lui, bétonneront les abords de nos villes sans pour autant rendre la vie meilleure.